Les nouveautés à la Maison de cinéma de Sherbrooke cette semaine. Force majeure de Ruben Östlund, en suédois avec sous-titres français. Det är såna jäkla krafter. Nu, är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Det är som att lära kontrollera. Pappa! Harry, det är lugnt, Pappa! It was controlling and then they are... He got so scared that he ran away from the table. Men jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Du kan inte bara mumla. Jag är rädd att vi ska skilja er! Kom så att vi tar av din kille och du kommer den tillbaka och grav den upp. En, två, tre. Du gråter inte på riktigt. Timbuktu de Abderrahman Sissako, avec sous-titres français. Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. قولوا لا تغطي راسها مش مليحة هكا انا صريت يد راس من راسها سديت جايت نقطك hier soir on vous a surpris dans une chambre jouer de la musique est-ce que vous savez que c'est interdit كفاكم انكم تسيئون للاسلام والمسلمين ابو جهاد كنا Sen du får du tycker att musik är rätt och är så där. Vad du får att måla du vet. Jag måste ha något så att du får jobba att du vet sen. Kan jag vara? Du får det bättre. Hur är det alls? Är det att vi kan nåsin? För att är det att vi kan nåsin? Då med din skick. Var är den här rahm? Och var är den här gaffen? Och var är den här tvåkull efter gaffen? Kingsman, service secret, de Matthew Vaughn, en français et en anglais. Nous sommes une agence internationale et indépendante de renseignement, opérant à un très haut niveau de discrétion. Ça, c'était la une du journal le lendemain du jour où j'ai désamorcé une bombe à Berlin. À la une des journaux, en toutes ces occasions, il n'y avait que des idioties. C'est la nature de Kingsman que nos réussites restent secrètes. Jusqu'où qu'est l'essence, cette machine? Assez profond. Être un Kingsman n'a rien à voir avec les origines de sa naissance. Si tu es prêt à t'adapter, à apprendre, tu peux tout changer. Ça, c'est dingue. Oh yes, charmé, excellent. Intéressé? De toute façon, j'ai plus grand-chose à perdre. Oh, il y a beaucoup à perdre. Ça, je vous le garantis. Valentine est une menace qui nous affecte tous. Un génocide de masse? Ça, j'adore. Vous êtes complètement cinglés. Ça, j'en ai rien à foutre. Rassemblez les Kingsmen. Yeah! C'est un peu too much, non? Compte à rebours enclenché. 3, 2, 1, c'est parti! C'est génial! Franchement, en vrai, j'avais besoin de me défouler. Si je sauve le monde, vous m'embrasserez? Je t'en dois plus qu'un simple baissier. Je reviens, bougez pas. Le fils de pute! 50 nuances de gris, de Sam Taylor Johnson, en français et en anglais. Alors? Il est comment? Monsieur Gray va vous recevoir. Très intense. Très brillant. À quoi devez-vous votre succès? Je suis doué pour déchiffrer les gens. Je comprends d'instinct comment ils fonctionnent. Anastasia? Christian. Tu te rends compte qu'il t'a pas quitté des yeux? T'as rencontré quelqu'un, ma chérie? Vous êtes libre? J'aime voir votre visage. Ça me donne une idée de ce que vous pensez. Vous êtes un maniaque du contrôle? Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines. Ça doit être un peu lassant. Vous ne vous battez pas à la loyale. Vous devriez m'éviter. Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Pourquoi êtes-vous si distant? J'ai eu une enfance difficile. C'est tout ce qu'il y a à savoir. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Pourquoi essayez-vous de me changer? Mais pas du tout. C'est vous qui êtes en train de me changer. Je sais pas si je peux lui donner ce qu'il me demande. En admettant que je reste, ça finirait comment? Aussi à la maison de cinéma cette semaine, Le septième fils de Sergueï Bodrov, en français. Bob l'éponge, le film, Éponge à cours d'eau, de Paul Tibbitt, en français. Léviathan, de Andrei Zvyazintsev, en russe avec sous-titre français. L'ascension de Jupiter, de Lana et Andy Wachowski, en français. Samba, de Eric Toledano et Olivier Nakache, en français. Félix et Mera, de Maxime Giroux, en français. Selma, de Ava DuVernay, en anglais. Paddington, de Paul King, en français. Tireur d'élite américain, de Clint Eastwood, en français. Le jeu de l'imitation, de Morton Tilden, en français. Wild, de Jean-Marc Vallée, en français. Whiplash, de Damien Chazelle, en français. La théorie de l'univers, de James Marsh, en français. Birdman, d'Alejandro González Iñárritu, en anglais avec sous-titre français.